se sacă ce afle. Lasă jas, se sanu ca mădă. Si-o triche, un jour que tombe. Nous obligés de péter partout devant nous. En s'attendant à main, puis à nous que peut-être meilleur qu'hier. Pour nous péter, fait à terre. Mes frères, le ou kaple le toutou. Même si la pique a tombé, ou pas qui joue une rivière. Ou ça, ou pas l'essai. Boule, boule, boule, boule. Să nu ai.